Niko nalamukia makutano na bale bote biko netufuata par internet mujue la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Je salue toute l'église ainsi que tous ceux-là qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus Christ. Mungu abariki la moja wetu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mungu mibariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment mwiki zazi Mungu alifua neema. Dans cet âge Dieu nous a fait grâce. Toutes les choses que nous avons sont seulement meilleures. La parole de Dieu est très meilleure. Une vie meilleure. Les chansons meilleures. Que notre Dieu soit meilleur. C'est par là que nous nous différencions avec les dénominations. Les dénominations, ils chantent en désordre. Ils n'ont pas le discernement dans tout ce qu'ils font. Utasikia beko naimba mwimbo kwa mfano Noa fungula Noa fungula mulango beko inje ouvre la porte pendant qu'il est là. Tu comprends quand tu vas fungula ti? Si c'était dehors, comment est-ce qu'on va encore ouvrir pour eux? Ana jovi. Nikusema beko inje Noa Dieu ko ndani. C'est-à-dire elles sont dehors, c'est Noé qui est là. Na Noé moyage pas kufungula. Noé lui-même ne pouvait même pas ouvrir. Kana jovi, ana jovi yali fungaka mulango. Parce que ce n'est pas lui qui avait fermé la porte. Awe mwimbo inase, mimi nauliza kwa Mungu Baba, jina langu kama inani. Ashiwe jina yake, basha kuyandika akayandi. Meshi hapa. Kisha mjate Mungu acha kutandika majina yake. Nous ici nous savons que nos noms sont déjà écrits. Kisha tuimbaka nyake. Nous ne chantons pas en désordre. Mungu ibariki sana. En tout cas, Mungu abariki pa conducteur de chant. Que Dieu bénisse les conducteurs. Abariki na chorale. Qu'il bénisse aussi la chorale. Mina semako, uko njo kuko bishimba yetu ni huko. J'ai toujours dit que c'est mafuta inatokeaka ni huko. Espérance. Hein? L'onction vient de la chorale. Kama vaibe mzuri na chef chapata usoya. Mungu ibariki sana. Bila kauria mshimami tushime sauti ya Mungu. Sans tarder, mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Rome Warumi 9 sura yake ya 9 verset 6 mstari ya 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Aina ya kusema ya kwamba neno la Mungu ibakie bila matokeo. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Wani bote bakutokea mu Israël avana batoto ya Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, Dieu a quoi Isao ya Ibrahim. Ils ne sont pas tous ses enfants. Bote aina batoto yake. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Lakini imesemewa kwamba ndani ya Isaka ndio mtakuwa uzao wako. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Manake aina batoto ya mwili ndio wenye kwa batoto ya mwili. Mais ce sont les enfants de la promesse. Na lakini ni batoto ya malaka. Ils sont regardés comme postérité. Bale ndio banakubaliwa sawa. Mtaweza bikala na Mungu abariki sauti yake. Vous pouvez vous asseoir que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. Verset 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que les Pères soient glorifiés dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous. Il sera même en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit. Judas, apana ule Iscariote, Seigneur, d'où viens-tu que qui te fera connaître à nous et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mungu emibariki. Que Dieu vous bénisse. Tuko na mapromesi ya mingi. Nous avons beaucoup de promesses. Bila ambayo Mungu alitulaka. Que Dieu nous a promis. Avant enlèvement. Avant d'être enlevé. Tutafanya mambo mkuu vai dunia. Nous ferons des exploits, des grandes choses. Ya kushangaisha batu. Des choses qui doivent étonner les gens. Amen. Amen. Banduku na badada. Des frères et des sœurs. Des tukunonekala banyonge. Aujourd'hui sont misérables. Mais ishi kukunakuya. Mais les jours qui viennent. Mungu atajitukuza ndani yetu. Dieu va se glorifier en nous. Mwe muitikie tu neno ndani ya mamioyo yenu. Croyez seulement la parole dans vos cœurs. Mushache kitu kyokyote kuingia ndani ya mamioyo yenu. Ne laissez quoi que ce soit entrer dans vos cœurs. Kile kiakuweza kutenganisha na Mungu. Qui peut vous séparer de Dieu. C'est pourquoi tutabeba étape nyingine. Et pourquoi nous allons prendre une vous ne pouvez pas expérimenter la Pentecôte. Amwezi kuonja Pentecôte. Tant que vous êtes souillé. Wakati ile kwa buchafu. Amen. Amina. Puisque le Saint-Esprit n'y a pas de patakatif. Parce que le Saint-Esprit c'est pour les gens qui sont saints. Mais, balera ben kuchafuka. Les gens souillés. Habana na bati ya kupokea uweja rum takatif. Ils n'ont pas la chance de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Faye étape minafikia. À cette étape où je suis arrivé. Kila mmoja wetu. Chacun de nous. Ateriangaria seko mugiri kalashi. Il va s'examiner comme dans le. Kila kuya ben kwa ndani yake. Pour découvrir ce qui se passe. Eti bina mchafusha wapana. Est-ce que cela les suit? Eti bina mzuiza kupokea uweja rum takatif wapana. Cela peut l'empêcher de recevoir. Na kwa ile tutasoma na Frère Frank. Pour cela nous allons lire aussi le Frère Frank. Pour nous aider. Marc chapitre 7. Marco sura ya 7. Verset 8. Mustari amunane. Non. 7 5. Saba tano. Je m'excuse. Chapitre 7 verset 5. Marco sura 7. Les pharisiens les scribes lui demandèrent. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils les repas avec des mains impures? Jésus leur répondit. Hypocrite! Esaïe a bien prophétisé sur vous. Et il est écrit. Ce peuple m'honore de l'œuvre. Mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez les commandements de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Tout à Luca, verset 14. Nous allons sauter le verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Un disciple écoute des fois. Il écoute avec les oreilles. Et puis il comprend avec le cœur. Amen. Amen. Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme. Rien qui entre en lui puisse l'essuyer. Mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur. Mais dans son ventre. Et puis s'en va dans le lieu secret. Et qui purifie maintenant tous les aliments. Il dit encore. C'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Car se dit dedans. C'est du cœur des hommes. Qu'elle sorte les mauvaises pensées. les adultères, Mabusharati, les impudicités, Buzinifu, les meurtres, Namawaji, les vols, Wizi, les cupidités, Tamayafeta, les méchancetés, Rumbaya, la fraude, Ila, les dérèglements, na, les ordres, Fujo, l'orgueil, Kibori, la folie, Bazimu, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Vinatoka ndani. Et suis-le. Na njovi kuna chafua mutu. Tunaibitaya. Kila mmoja wetu ataangalia ni nini kuna mchafusha. Chacun de nous observera qu'est-ce qui l'essuie. Na njo inakukosesha ushindo kuexperimenter Pentecôte. Et c'est ce qui va t'empêcher d'expérimenter la Pentecôte. Tunasoma na Frère-Franck puisque naye alisema. Nous allons soutenir ce que nous venons de dire. Lettre circulaire, il y a janvier 1994. Dans la lettre circulaire de janvier 1964. Numéro 40, lettre circulaire numéro 41. Lettre circulaire numéro 41. Page 4. Sur la page 4. Très franc dans ces mêmes. Mes zélies sont caractérisées dans la pratique par une marche en accord avec la parole de Dieu. Et une manière de vivre pieusement. Ce n'est que lorsque nous nous regarderons tout à fait sincèrement dans le miroir de la parole et que nous reconnaîtrons notre propre état et constaterons ce qu'il en est réellement de nous. Page 5. Page 5. Chacun peut se considérer. S'éprouver devant cette description comme s'il se trouvait en face d'un miroir. Amen. Amen. Amen. Miroir est une sauti à nous. Notre miroir à nous, c'est la parole de Dieu. Naturellement, il n'y a personne qui peut montrer le miroir à quelqu'un d'autre, non. Dès que tu prends le miroir, c'est-à-dire tu vas t'aimer. Que tu découvres là où il y a des saletés, des souillures. Ce que nous venons d'énumérer, ce sont ces choses qui suivent aujourd'hui les chrétiens. Ça les empêche d'expérimenter la Pentecôte. Dieu n'est pas égoïste. Dieu il est fidèle à sa parole. Et à ses promesses. Dès qu'il dit quelque chose, il respecte sa parole pour l'accomplir. Si nous retournons à Marc, chapitre 16, verset 21. Chapitre 16, car c'est dit des hommes, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, que va anger dans moyo wako. Faites attention avec ton cœur. C'est toi-même qui te connais. Pasteur ton pasteur ne te connaît pas. Ton mari ou ton épouse ne te connaît pas. Toi-même tu te connais. Et c'est Dieu seul aussi qui te connaît. Faites attention avec ton cœur. Sommes-nous ensemble? Des mauvaises pensées. Lorsque je me dis parmi ma détail, parmi tous ces détails, pourquoi il a mis en première position les mauvaises pensées? Ce sont les mauvaises pensées qui font naître tout ce qui vient après. La détresse, les impudicités, Mawaji, les mères, Mawizi, les vols. Ce sont les mauvaises pensées qui font. Alors j'ai dit que réellement Dieu a bien arrangé les choses. Savez-vous que Dieu, Dieu n'a pas d'intelligence. Mais c'est lui-même qui est l'intelligent. Ça vous trouble un peu. Avoir l'intelligence, c'est lui qui est le donateur de l'intelligence. Avez-vous bien compris? Il savait que les mauvaises choses. C'est ce qui font naître toutes ces mauvaises choses. Mais toi qu'on enseigne. Comment attirer mauvaises mauvaises pour pouvoir. Comment vas-tu laisser que les mauvaises pensées puissent entrer en toi? Tu es bien enseigné. Parlez qu'on a couru. Lorsque ces mauvaises pensées arrivent. Tu sais que. Mina pas ça esprit ni le chikala kenai. Je suis un autre esprit que je n'ai jamais eu. Il est dit mais comment? Je dis que. Zambi. Les péchés. C'est un corps étranger. Ni qui tu qui gagne ni qui. Il faut bien me comprendre. J'ai donné les corps étrangers. C'est l'épine, c'est un corps étranger. Il faut entrer dans les corps étrangers. Tu n'auras pas la paix. N'est-ce pas? Aina vile. Amen. Amina. Pamoya na zambi. Irane de même. Kwa yoyote ula namupenda Mungu. A quiconque qui aime Dieu. Ça m'est il est vrai que ça peut bien pour lui. Il est vrai que ça peut mais, mais tu seras vraiment inquiet. Nakamona kotola. Dès que tu branches, qu'est-ce qui a quoi ni fraya ou kofina kimbia? La première des choses, c'est la joie du sali qui s'envole. On a quoi na baridi? Tu deviens froid. C'est pourquoi moi éviter mambo ya mawazo mubai. C'est pourquoi il faut éviter les mauvaises pensées. Mawazo mubai natoka kwa shetani. Les mauvaises pensées viennent de Satan. Les adultères. Mabusharati. Où est-ce marié? Toi tu es marié. On a peine de faire des choses que nous. Tu fais encore courtiser. Pourquoi marié, sœur? On a peine de faire des choses que nous. Tu fais encore courtiser. Où est-ce que tu es marié? Toi qui connais très bien ce moment-là. Nous avons vu l'œuvre de la croix hier. Ah, tu es du couvrir à banque pour tes mangou. On ne peut pas se dévêtir devant n'importe qui. Puisque tu dis que tu es marié. Parce que nous avons accepté de porter la croix. Amen. Amena. Akuna mambo ya bulale lale. Il n'y a pas des adultères. On a là na ouyu. On a tembe na ouyu. Si tu as banyama. Nous ne sommes pas des animaux. Bibi na sema. Pour éviter l'impudicité. Qu'est-ce qu'il y a qu'est sa femme? Qui la mutoa na ouyu? C'est fini. Kunaisha. Kama ta ouyu ya owa. Même si tu n'es pas encore marié. Mais faut ouvrir ouwe. Faites un effort pour te marier. Sir, kama ba ya kowa. Kaza si tu n'es pas encore. Fumilia ba ta kowa. Patiente, tu seras épousé. Lorsque tu refuses de faire c'est parce que tu honores lui aussi te fera honorer. Dieu peut t'envoyer même un mari venant de loin. Il viendra t'épouser. J'ai causé avec les bergers ici. J'ai mon petit frère. Notre cadet qui est au village. Mais il a eu une femme venant de l'Afrique du Sud. Tu as quitté le village. Dans le mariage, il ne faut pas faire de calcul. Il faut laisser cela à Dieu. Ce n'est pas s'habillant des autres que tu auras un mari. Que Dieu vous bénisse. Le maître. Mawadi. Bouadi. Ça ne fait pas se nommer même parmi nous. Bouadji, mutu yoyote kunachuki, c'était meurtrier. Tout celui qui a la haine, ni mouadji. On a chuki à ma frère. Tu as haï des frères. On a chuki à ma soeur. Tu as haï des frères. Et pourtant, on a pas mis nous mukambo. Et pourtant, nous ne sommes pas même pas. Ah, t'as dimanche, on a yala na poule, balcon. Si le dimanche, vous remplissez l'église, vous n'êtes pas nombreux. Vous catholique. Vous n'allez pas dépasser la catholique. Et les gens de la paroisse. Ils ont des paroisses. Ils ont des paroisses. Lorsqu'ils seraient initiés, vous serez mort. Mais il est sûr qu'il t'a toqué, ouais. Pourquoi avoir la haine? Frère, ouais, on a pas ta moto, on a chia moubaï. Ton frère a pris. On a peine à t'aimer, l'homme coulou. Tu as la haine. Tu veux qu'il marche à pied sans véhicule? Peut-être que ce véhicule là t'aidera un jour. Frère, vous avez dit, ni pas qu'il est moto, car il est chouki. Tu peux l'appeler avec ce véhicule. Pourquoi n'a pas d'amour? Mais la conscience, il y a qu'on a connu, c'est mangari, mais le moutouillard est au et même ta conscience va te la conscience est un témoin gênant. Tu l'as hissé pour rien. Quand on a fait un qui bague, il t'a pour reprocher. Quand tu fais quelque chose de mal, la conscience va te reprocher. La conscience, Dieu l'a donné même aux païens. Il faut pas avoir la haine. Sir. Dada. Dada qu'on a eu, si vous n'êtes pas fan de Konema. Ta sœur. Là, il y en a qui vont te garder. Un jour, la campagne chère. Qui est mon âge qui va assurer ta foule qui voit. Je me fournissais. Correctement les pages. On me fournissait. Apprends-lui comment il faut s'habiller. Et qu'on a pas la femme ou fou. Aïe, maman, vous y êtes. Ta vie comme un main de vin. Ni ma chouki. C'est plus que tu as la haine. Ton frère a construit tu frère, ma haine est quand même parmi nous. Chouki, ça se retrouve même au milieu de nous. Il faut qu'il s'en tire. Il faut qu'il kemea. Pourquoi tu l'as eu? Tu voudrais qu'il reste et pour ta Bible, elle a dit, quand vous vous voyez, on est en abarquion, ni moi, vous êtes en abarquion. L'un de vous est béni. Quand ma frère, mon goût, moi, élevé, frère. Nous, tout frère, gagnez, ça y est. Dieu l'a élevé, c'est la gloire de tout le monde. Moi, éviter ma haine. Moi, pour que tu. Moi, éviter ma tribalisme. Moi, pour que. Moi, éviter ma politique. Il y a qui Kabila, si y a ça. Par quoi? Il faut voir maman, quoi, c'est Michi, pende les Kabila, je n'ai eu. Tu t'es marié, ta mère te dit, moi, je n'ai pas de suivi. Uribia Minia, wapi. Où est-ce que tu as na cru? Comment as-tu cru? Comment vous avez Kabila? Si tu es Kabila, si Kabila. Nous allons te montrer des exemples. Nous en connaissons. Vous adresse. Je peux te donner la. Comment vous Moulubakat? Si tu es Moulubakat. Où est-ce que 30e? Allez chez les 30e. Vous 30 km de l'amour. Moi je te dis qu'ils sont à 30 km de Dieu. Où est-ce que allez là-bas. Kama uko Kasai, wende kubombe nikumanze, wende kubachebe cyane. Ale chele chebe cyane. Utaba kuta banduku yako. Tu va trouver tes frères. Kama kurun, si tu es rune. Au chokwe. U chokwe. Wende kubombe nikumanze. Ale chio madre. Voilà les rats. Mais après ni ba Christ. Mais ici il n'y a que des chrétiens. Hapa tuko na wana ndani ya Yesu Kristo. Ici nous nous marions en Jésus Christ. Atufanya kata manquette. Nous n'avons même pas besoin de faire des enquêtes. Condition ya kwa sœur. Ya kwa frère. Ni est-ce que connaît de nouveau ou pas? Il faut te poser la question sur la nouvelle. Avant même ya kwa. Avant de marier. Na maombi. Il faut commencer par la prière. Toutes ces choses-là amènent la froideur à l'église. Après quoi tu dis que tu attends à aller au ciel. Libya Bongo. Les vols. Bouézi. Léo, va mini famille ni bangizi. Aujourd'hui, beaucoup de voleurs. Ce sont des voleurs. Kumakaji. Lorsqu'on t'embauche, il faut bien garder ton salaire. Il faut te contenter du salaire qu'on te paye. Tout ce que tu vas recevoir en dehors du salaire, on y m'a frappé. Oh, ce sont des frappes. Mungu naye atakufrape siku moja. Dieu aussi te frappera. Utakumonore. Puisque tu l'as pas. Mule mu société huko. Ama entreprise huko. Mungu anakuweka tu kutimwanye. Dieu t'a placé pour témoigner. Mimi nakumbuka. Je me souviens. Pale tunaami tungere ku mode antenne. Lorsqu'on était encore au mode antenne. Message ilikuwa ya nguvu. Le message était très fort. Ba frère bote wale vere baka bitu mwase pe. Tous les frères qui avaient volé des choses. Parce que nous avons brûlé du riche. Ils allaient avec des brouettes pour remettre les choses. Parce que neno ya Mungu. À cause de la parole de Dieu. Neno ya Mungu inakusaka moyo. La parole de Dieu. Kama unaona tu couvrir neno ya Mungu est sensible. Mungu akusaidie. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu es sensible, que Dieu t'aide. Dieu est prêt avec le cœur. Mais comment tu es indifférent? Comment tu es insensible? Pourquoi insensible? Pourquoi? Pourquoi tu es insensible? Uribiamini Dieu. Et où est-ce que tu as cru? Les autres sont en train de voler la dîme. Ah, payer la dîme. Pagano. De perdre le temps. On a écrit ça avant que nous naissons, toi et moi. Frère Branham. Un jour, on lui a posé la question. Frère Branham. Si un chrétien ne paie pas sa dîme, réellement un chrétien doit payer sa dîme. Il a dit, quelli, mon Christ, mon Christ, ni mon Dieu, mais c'est à Mungu yote. Un chrétien, c'est celui qui vit toute la parole de Dieu. N'a candidat à Wenda Kumbingu. C'est celui-là le candidat. N'a pas expérimenté Pentecôte. Et d'expérimenter la Pentecôte. Amen. Amen. Ce n'est pas que Mungu est masquine, non. Ce n'est pas que Dieu est pauvre, non. Mungu est comme Tadji. Notre Dieu est très riche. Ma franc congolais niaki. Les francs, ma dollar niaki. Ma kwacha niaki. Ma chiki niaki. Franco yote ya dunia niaki. Banyama yote wa mpori ni baki. Toute la monnaie du monde lui appartient, tous les animaux lui appartiennent. Puisque ba mingi beko na raisonner pa mambo ya Mungu. Nombreux sont en train de raisonner sur na kama ashibarikiwe mafiri na inalabika jo anaenda kwa pasteur na weshikia mwe ba pasteur mshikia. Si n'est pas béni. Kama brebi anakuja kwa wewe unakoonesha kazi ya yende kumuliza na paka chiku. Si la brebi vient. Hakuna kura kura mkinywa. Umuulize. Ces affaires ne volent pas ici. Secret à maendeleo ni chekumi. Puisque mwana se mulifime. C'est la dîme. Dieu a dit éprouvez-moi. Et puis muntu ko vraiment ingrat. L'homme est très ingrat. Mutimi. Sur 10 000 francs. Mungu anakulomba 1000 francs. Dieu te demande seulement 1000 francs. Où t'as pas gagné frère? Toi tu vas rester avec combien? Hein? 9 000. 9 000. Tu vas rester avec 9 000? Mungu anakupangaza. Tu donnes à Dieu combien? Maintenant question yoyi. 1000. Wa mingi ni wewe ni Mungu. Qui a reçu beaucoup? C'est toi ou c'est Dieu? Les choses ici n'évoluent plus. Tu es voleur. Paye la dîme. Eh. Tu vas même n'a pas mis assez de conscience déjà à la maison. Mais ta conscience est condamnée. Mon ennemi suit à Pentecôte. Anania et Saphira. Les jours de Pentecôte. Bon, tu vas quoi, Bangizi? Anania et Saphira étaient tous des voleurs. Ils ont trompé les gens. Et on les a. Na ouais frère. Na ouais sœur. Ukona waja kudanganya watumishi ya Mungu. Hauibadanganya unidanganya wewe mwenyewe. Na utakufa. Tu crois tromper les serviteurs de Dieu, tu ne les trompes pas, tu te trompes toi-même et tu mourras. Soma psaume. Zaburi. Juba mingi na leta. Beko na waza mubaye yuli ya ufande na matime. Et d'ailleurs. kukanisa tuendake main vide. À l'église on va pas m'ébréduire. Amen. Amina. Moïse. Moussa. Wakati alipokuwa Egypte. Lorsqu'il était en Égypte. Jean tuseme kama esclave hajiwezi kutumikia sauti ya Mungu. Nous avons dit que l'esclave ne peut pas mettre en pratique la parole. Wakati alipokuwa Egypte. Les enfants bilikuwa ngumu batumikie Farao na batumikie Mungu. Il était difficile de servir. Na bilikuwa ngumu baimba mwimbo. Il était même difficile de chanter un cantique. Pale baritafuta kutoka kwenda. Lorsqu'il voulait sortir. Farao anasema. Farao le radi. Ipaka mwe na batoto na byote jibitende bangombe na bankondoro batabaki. C'est seulement vous et les enfants qui partiront. Les brebis vont rester. Nabe Mungu wetu mumikono yenu. Moïse a dit, donne-nous asime Mungu atakuwa mtake bule. Notre Dieu on l'adore pas mais bredouille. Membre wa église locale. Les membres de l'église. On va se soutenir i every hapa pa Kambove. Il doit soutenir cette présence yake. Par sa présence. Dime na offrande yake. Par ses offrandes et ses dîmes. Doit nakuwa membre wa église. À ce moment-là il devient membre. Fata na maordre, baordre sio mimi naachana. Selon l'ordre. Na Dieu veut qu'on a droit ya participer ma élection à mon office mon canis. Ce sont ceux-là qui ont les droits de participer aux élections de l'Église. C'est ceux qui viennent à l'Église et qui payent les dîmes et les offrandes. Amen. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Sommes un bel son. Lisons d'abord Jabouri. Jabouri Makumitano. Sommes 50. Verset 7. Écoutez mon peuple et je parlerai. Israël, l'ennemi, église et je t'avertirai. Aujourd'hui c'est l'église d'Antakukalamusha. Je suis Dieu ton Dieu. Mungu, Mungu wako. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Aina juu ya masadaka yako njo mina kutemia. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Mazabihu yako iko mbele yangu. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison. Siwezi kuchugua ngombe mungu. Ni un bouc dans tes bergeries. Wala mbuzi muzizi lako. Ka. Tous les animaux de forêt sont en moi. Wani banyama bote bapori ni bangu mimi. Unyambie. Dites-moi. Tu es en train de refuser tes boucs. Et tes cochons, je ne les offrirai pas. Dieu a dit que tous les animaux de la forêt lui appartiennent. Notre Dieu n'est pas pauvre. Il continue en disant. Toutes les bêtes des montagnes parmi eux. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Hein? Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Tout ce qui se trouve dans le monde. Même toi tu es aussi à Dieu. Sais-tu lorsque tu t'entêtes devant Dieu avec ta richesse. Tu diras ça va comme tu t'entêtes avec tes biens. Moi je prends seulement mon souffle de vie. Maintenant on va voir ce que tu feras. Dieu est capable de le faire. Mungu yuko na uwezo ya kuifanya. Ashikalaka na conseiller. Il n'a pas de conseiller. Mwamini fait comme malléable. Un chrétien il s'élève. Il est malléable, accepte par tout. C'est ma bénédiction et comme ça outil à Mungu. Qui connaît que notre bénédiction est tout dans la parole de Dieu. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Eti mimi Mungu nakulaka mnofu ya bangombe? Est-ce que je bois le sang des boucs? Eti mimi nakunyaka damu ya bambuzi? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Umutolee sawa sadaka Mungu matendo ya shukrani. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Utimize biapu yako mbele ya Mungu. Invoque-moi au jour de la détresse. Muniite siku ya tabu. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Nawe utanitukuza. Mungu tunamwekaka lusanzu. Kama vitu vya Seigneur, Mungu kuzungu le défi à Dieu. Ikaji yangu hii. Nafanya kesi. Nafanya Mungu atajibu. Mon Dieu, souviens-toi de moi. J'ai toujours fait ceci et cela, il va exaucer. Amen. Amen. Est-ce que tu pas moi ganisa? Sommes-nous ensemble l'église? Lettre circulaire. Barua za kuzunguka. Numéro 41, il doit toujours nous sommes, il y a 1994 janvier. Vous pas 7. De 1994 janvier, page 7. Suivez. Foite. Combien souvent vient au cœur des croyants? Maranga pile kuna kuya kumoya wa ya baminifu. Des pensées dirigées les uns contre les autres. Mawazo en kongozi wa moja kwa ingine. Et se sont rendus si crédibles par ces esprits méchants. Wanajiona kwamba iko ya kweli kupitia la roho mbaya. Can on accept que la chose soit ainsi? Betikia kwamba bikuwe hivi. La vraie foi. Imani ya kweli. Ça va, ça va. Combien souvent vient au cœur des croyants Maranga, puis la mumio ya ba minifu. Des pensées dirigées les uns contre les autres. Mawazo yenye kupinganisha moya kwa ingine. Elles se sont rendues si crédibles par ces esprits méchants. Inaonekana kwa ya kukubaliwa kwa ile mapepo mchafu. Okay. Ah, ceux qui se combattent là, se donnent raison l'un à l'autre. Par ces esprits méchants que l'on accepte que les choses soient ainsi. La vraie foi repose dans le cœur, enraciné dans des pensées d'amour et de paix. C'est également dans le cœur que prennent naissance les sentiments destructeurs dirigés réciproquement les uns contre les autres. Et moya kwa mwingine. OK. Inspiré par l'ennemi. Yenye kusukumwa na adui, se fixe dans le monde de la pensée. Inekala mu mawazo. Nous devons résister à chacune de ces pensées. Tunapashi kushindana kwa kila wazo ya namna hii. Qui cherche à occasionner des dommages à des individus et ou à la communauté. Ile unapenda kuleta vibaya kumutu wala kukundi ya watu. Kama mawazo mubaya inakufikia frère. Que les mauvaises pensées t'arrivent mon frère. Omba Mungu akusaidie. Prie à Dieu qui puisse t'aider. Italeta mubaya kubantu na kukanisa. Ça va occasionner le mal aux hommes. Kanisa yabo. On dira il est tabernacle. Zambi moya moya. Le même péché. Ile wewe unaweza kufanya? Que toi tu peux commettre. Wa mkatoliki anafanya? Quel catholique peut commettre? Yako pateimba sana kuliko ya wa mkatoliki. On va beaucoup les chants. Niaba ndio kuna ukweli. Parce qu'ils savent que ce sont ceux-ci qui ont la vérité. Kulechini, page 8 kulechini. Là en bas sur page 8. Il est visible que beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs se trouvent hors de l'église de Christ. Banapatikana inje ya kanisa ya Kristo. À ce qui concerne leur vie. Kwanza kwanya, waenye kuelekea maisha yabo. Vérifie maisha yabo. Vérifie ta vie. Chibote hapa. Nous tous ici. Kwanza kumibali. A commencer par la chair. Muko. Même jusqu'à là. Chibote tunapaswa kuwa na maisha hii moya. Nous tous nous devons avoir une même vie. Maisha ya sauti ya Mungu tunahubiri hapa. La vie de la parole de Dieu que nous prêchons. Hapa muko. Ici où vous êtes. Hakuna vie privée. Il n'y a pas de vie privée, maisha ya oui. Okay. Non. Non, bana ni fuata sana. Une vie privée ya ça c'est ma vie privée. Kama unapenda kuwa na vie privée, toka. Si tu veux avoir une vie privée, va-t'en. Va-t'en. Amen. Amina. Chibote. Nous tous. Attache bien votre mission à nous. Même nous qui sommes. Et d'ailleurs, je suis venu. Et d'ailleurs, nous. Comme Amina Obiri m'a obéi. Dès que je prêche. Mais je dois croire que je suis belle ma obéi. C'est moi le premier à mettre en pratique ce. Puisque devant Dieu, Namini Koprévi. Parce que devant Dieu, je suis aussi. Oui, frère. Même Baboulé. Pas de vie privée ici. A Panamaïcha Yaoupeke. Kama huku naishi maisha yenyewe. Si tu mène une autre. Huko inje ya kanisa Yesu Kristo. Tu es en dehors de l'église de Jésus Christ. Kiapili. A ce qui concerne leur temps. Wa yenye kuelekea wakati yapo. Angalia fasi una gérer ta Mungu anakupatia. Regarde comment tu gères le temps que Dieu te donne. Biblia nasema. La Bible dit. Achetez le temps. Mukomboe wakati. Car les jours sont mauvais. Kwani masiku iko mbaya. Si tu n'as frère va quand tu kanisa. Nous nous réjouissons d'aller à l'église. Frère, mon Dieu est compliqué. Non mais très compliqué. Et qu'on appelle pas comme Bibi à Mungu. Il veut toujours frauder. Namusa. Même dans l'heure, frauder à Dieu. Ou 24 heures. Ma 24 heures. Mungu anakuloma moto. Une heure. Dieu t'en demande seulement une. On va qu'il a 23 heures. Toi tu restes avec 23 heures. Na une heure unabeba, unafikiria. Même dans cette une heure, tu voles encore. Mungu atakulizaka. Wakati nilikupatia ulifanya nayo nini? L'état que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait? Mungu ni mzuri. Je bon. Anakutosha mwishi kwa kuingisha mwingine, mwijuma na kuingisha mjume mwingine, mwimoja na kuingisha mwezi mwingine. Dieu est en train d'évoluer d'une semaine à une autre, deux mois. Mais bengine bana bashika. Mais les autres soient. Wewe unabakia mzima. Toi tu restes. Mwijuma karibie. C'est pour que tu t'approches davantage de lui. Trois. Tatu. A ce qui concerne aussi leur dîme. Wa yenye kuelekea macheku miyabo. Et en toutes ces choses, ce sont eux-mêmes qui décident. Comme maintenant, ils se sont eux-mêmes rendus indépendants. Si nous sommes indépendants, nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de la parole de Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Ainsi resteront-ils dehors également? Ivi batende la kubakia inje. Dessus. Benye kukosewa. Hein? Dessus. De ne pas être enlevé avec l'épouse de Christ. Benye kupatishwa ya vile wa kunyanyuliwe pamoja na bibi ya rusi. Kama kuko watu watapata kaya kuimashiku tukunenda ni bamu tabernacle. Il y a des gens qui seront confus. Bale banejiwa shia kwa baminifu. Ceux qui prétendent être croyants. Mais beko na néglige sauti ya Mungu. Mais qui néglige la parole de Dieu. Utakuwa dessus. Tu seras dessus. Ici à Kambo, on te connaît bien. Même la façon de t'embêter, même la façon de t'embêter, on te connaît. Celui-ci est frère. L'autre est frère. Ce jour-là, on va te lapider. Amen. Amen. Nous. À tout à chaque enlèvement pour la radio. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait un enlèvement à la radio. Ni si nous ça participe à l'enlèvement. C'est plutôt nous qui allons participer à l'enlèvement. Oui, comme on a chiqué enlèvement pour la radio, c'est Toi, dès que tu apprendras qu'il y a eu l'enlèvement, sache que tu es en retard. Tu vas ponctuer par amène même à la maison. Angaria maisha yako. Examine ta vie. Angaria wakati Mungu anakupa. Examine le temps que Dieu t'accorde. Ce que Dieu t'a donné, il faut glorifier avec Dieu. Il est indispensable que tous fassent véritablement une expérience avec Dieu. Niamafa, qui la indispensable, tu n'es pas encore en état. Avez-vous suivi ce que j'ai dit? Que Dieu Niamafa, frère et soeur. C'est vraiment très important. Tu n'es pas encore en état. Faites l'expérience avec Dieu. Une expérience avec Dieu par un renouvellement de leur vie. Kupitia kufuaniwa upya wa maisha. Ndio le frère Branham alisema mwenye Biblia dadiza ya kusema kama tuijitoe mali nyingine. Sasa ke frère Branham a dit qu'il faut tutoe maisha yetu. C'est consacré de nouveau. Tupate kwa maisha ya sasa. Offrir notre vie. Peut-être que tu dois kwanza. Permettre de expérimenter Pentecôte. Peut-être la première consécration n'avait pas permis à ce que nous puissions recevoir la Pentecôte. Et qui ne se contente pas seulement de mettre un morceau neuf sur un vieux vêtement. L'ancienne vie, tu la mélanges avec la vie. Tout en demeurant le même à l'intérieur. Cette église. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de commencer. Je suis un ancien chrétien, ce n'est pas ça qui est important. Même les Swahili disent que précédemment, mettez en pratique la parole de Dieu. Ici, ne sortent pas de mauvaises prédications. Et d'ailleurs, Dieu vous a donné des bergers qui veillent, qui veillent, pour que vous puissiez progresser dans la foi. Mais toi, tu es dans ton cœur là, tu es toujours le même là. Il faut que chacun reconnaisse de quelle manière l'ennemi l'emploie pour faire des dégâts. Au milieu du peuple de Dieu. Par son moyen. Kupitia namna yake. L'adversaire. Adui. A beaucoup d'expérience. Et qu'on a onjo mingi. Notre adversaire, c'est Satan. L'ancien combattant. En amitié. Et qu'on a expérience. Il a de l'expérience. Il ne peut pas te laisser libre, aller au ciel là où lui il était. S'il y a quelqu'un qui connaît bien le ciel, c'est Satan. Il ne peut pas te laisser libre pour aller au ciel. Et même ici à Kambo. Ma démon. Des démons. Ils savent que c'est vous qui voulez aller au ciel. Ils savent que cette parole qu'on vous prêche, c'est la vérité. Mais ils cherchent tous les moyens pour vous captiver. Que Dieu vous aide. Oui, l'adversaire a beaucoup d'expérience. Et qu'on a onjo mingi. Et c'est se servir d'une manière ou d'une autre. De ce par lequel il fait. Tout particulièrement occasionner le plus de dégâts dans l'église. Amen. Beaucoup de personnes se sont Déjà certainement demander avec sérieux. Manesha kujiuliza na uhakikishe yote. Pourquoi leur vie spirituelle? Jia nini maisha yao ya kiroho? Était dépourvu de fruits. Aina na matunda. Frère, sœur, c'est pour nous qu'on pas caoulé. Depuis que tu as dit, tu es le même là, tu n'as pas fait. Mais il y a fait efficacité. Et pourtant la parole de Dieu est oui, très efficace. Oui, il y a un côté de la matunda. Pour la mettre en pratique, tu produiras des fruits. Amen. Amina. Savez-vous que lorsque vous venez à l'église, c'est à l'école. Amen. Amina. Savez-vous que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. À l'église, n'est-ce pas c'est là où on enseigne. À l'école, n'est-ce pas, c'est là où on enseigne. Maintenant, en sortant, ce que vous entendez, c'est un devoir à domicile qu'on vous donne. Ceux qui vont corriger, ce n'est pas les pasteurs, ce ne sont pas les diacres, ce sont vos voisins, vos voisines, les gens de la cité. Ce sont ceux-là qui vont t'observer. Dès que tu commets une erreur, ils vont te corriger. Oh, celui du tabernacle. Si celui-là entrait, moi aussi je vais entrer. Fais tout ce qui est possible. Oui, je vais te tourner à couvrir. Afin que tu mettes en pratique. En faisant ainsi, tu vas attirer beaucoup de gens qui vont aussi croire. Pas de fruits. Elles se sont aussi questionnées sur leur propre état. Nous devons certainement nous demander quelles sont les causes de cela. Et comment nous pouvons sortir de cette détresse spirituelle afin d'être à bénédiction pour d'autres personnes. Vous entendez la parole de Dieu. Par exemple, ça sera une bénédiction pour ceux-là qui te voient. J'ai dit, frère, même maintenant, s'il y a des frères qui ont des bons témoignages, société, les gens de l'entreprise, ils me cherchent à qui confier cette charge. Ils vont dire non, donnez ça aux frères. Ils nous connaissent. Amen. Amen. Maintenant, d'où viennent donc les animosités? Les querelles, les jalousies, les œuvres de la chair, que la parole place au même rang que la magie et l'idolâtrie. Et les autres choses. De même que les fruits de l'esprit font voir à tous les qualités, la nature de notre Rédempteur. Ainsi l'ennemi manifeste son désordre par les œuvres de la chair. Et cela malheureusement aussi parmi les croyants qu'il peut tenir sous son influence. Amen. Amen. Un homme charnel. Ce sont des charnels qui amènent des troubles à l'église. Celui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Et il ne se dispute pas, il ne se cafouille pas. Celui qui se dispute des titres, c'est Satan. Il est mangambo yetu ile. Chez nous là-bas, il y a eu des jeunes. Aujourd'hui, on a aussi des ministères qui ont commencé à faire si ça vient de Dieu, ça n'a pas de problème. Oui. Posez la question à votre pasteur. Posez-moi aussi la question. Lorsqu'on a reçu notre ministère, on n'a pas fait de trouble. Posez la question, frère. Ces frères sont allés même cadenas. Ce sont des charnels. L'église n'appartient pas à quelqu'un. L'église, c'est l'église de Dieu. Et dans l'église, il n'y a pas de chef. Notre chef seul, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire, frère Franck. Ce sont les charnels. Si Dieu te donne le ministère, il va te montrer le terrain, il faut œuvrer avec cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. L'envie et la jalousie ont entraîné après elles Les premières mères. Birisukuma mauaji ya kwanza. Nata kusema ukanisa hivi. Je vais dire ceci à l'église. Mungu wenye kufundishiwa. Vous êtes suffisamment. Na sisi tuwa kuongeza hapo. Nous venons aussi ajouter un peu. Bazazi yenu ni hapa. Vos parents sont ici. Sisi tuko mama mloko. Nous nous sommes des oncles. Amen. Amen. Paul arrive kusema à Timothée, mon enfant que j'ai engendré. Paul disait à Timothée mtoto wangu le mirizala. Hapana. Si un péché entre toi, faites tout ce qui est possible pour les confesser. Kama wikiri. Si tu les confesses pas, ça va appeler les trois, les quatre, tu vas exploser, on dira que ce sont des frères. Pourquoi t'aimer là? Suivez un pays. L'envie. Tama. Et la jalousie. Nabuifu. On s'entraînait après elle, les premières mères. Biri sukuma nakuleta uwaji ya kwanza. Quand il dit que Dieu avait accepté favorablement Abel et son offrande, quand il a kwamba Mungu alimkubali Abel na sadaka yake, et déjà ça n'était fait de lui. Ça, ça akamshirikia. Tout d'abord l'envie, qu'est-ce qu'il y a quoi? Kwanza ni tamaa qui est entrée. C'est la jalousie. Buivu. Monter en lui. Bikapanda ndani. Puis la haine, troisièmement. Na chuki kiatapu. Et quatrièmement, le meurtre se suivit automatiquement. Kiaine uaji ilifuata pale pale. Leo unachukia na ule anakuhubiria. Aujourd'hui tu as même celui qui te prêche. C'est très grave. Ni hatari. Unashimanga na ule eko na kuexhorter. Tu critiques même celui qui t'exhorte. Kama teko na kusubiri kwa muone ni mtu. Même s'il a un défaut, allez le voir, c'est un humain. Kama unamchuki. Si tu l'as eu, oko muwaji. Tu es un meurtrier. Oko ndugu yake akayen. Tu es frère à Cayen. Moshike frère Frank Villan de l'année. Écoutez ce que frère Frank dit. Lorsque Dieu rend témoignage de lui par un homme. Wakati Mungu anamshuhudia kupitia mtu. Qui le bénit et l'emploie. Ya kwamba anambariki na kumtumia. Cet homme n'y est pour rien. Huyu mtu hana mona mambo. Unasema je frère. Aucun ne peut s'attribuer un mérite. Hakuna tamoya kwezi kujipatia kustahili. Car tout cela lui a été donné d'en haut. Mani yote ilimupewa toka mbingu. Kuchukia mtu ule Mungu anabariki ni kuchukia Mungu. Aise aïr quelqu'un que Dieu a béni c'est aïr. Mufungule masikio. Mufre grandement les oreilles. Ni Mungu Dieu qui anabariki. C'est Dieu qui bénit. Biote batoto wa Mungu beko nabi natoka ni kumbingu. Tout ce que les enfants de Dieu peuvent avoir ça vient de Dieu. OK. Car tout cela lui a été donné d'en haut. Chaque enfant de Dieu n'a que ce que le Seigneur lui donne. Dieu l'a donné, si c'est une moto, tu te fâches contre lui. Les enfants ont réussi à l'université. Tu veux seulement que tes enfants étudient. Un enfant de tel frère est devenu chef quelque part. Tu te fâches. Ce sont des démons. Tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous les donne. Si tu t'es fâché contre quelqu'un que Dieu a béni, si tu même si tu n'acceptes pas, tu l'accepteras même à la maison. Oui. Cela ne vient pas du tout des mérites d'une personne. Mais Dieu prend celui qu'il veut. Et il répartit les dons et les tâches selon son appréciation. Hein? Si du point de vue spirituel ou terrestre, quelqu'un a reçu davantage qu'un autre. Kama mwingine alipata mingi kushindia mwingine. On doit se réjouir. Unapaswa kufurahi. Amen. Amen. Frère fulani. Tel frère. Anakuwa kama ni chef fachi fulani. Devient chef. Tunafurahiwa. Nous devons nous réjouir. Ni honneur à qui voté. C'est notre honneur à tous. Mais wewe unakuwa na kantu munda. Na toi tu amènes la jalousie. Chiaba. Oh non. Ni wewe ndio utapo yambata. C'est toi qui as. Tu connais damu ya Yesu Kristo. Mais nous avons le sang de Jésus. Oh, tu crois qu'il va peleka. Ça tu crois peleka muntu. Nous sommes venus les accompagner, c'est toi. Mais tu me dis pas que ya kupagano. Les langages des païens. Il y a toujours eu des riches et des pauvres. Umekalaka kila mara watajiri na wamaskini. Mais il se trouve aussi des personnes qui sont satisfaites de ce qu'ils ont. Alakini kuku tena na watu wale wanafurahikia ile beko nayo. Mushi waje asema tutekalaka shibote kwa paka watajiri. Non. Ne croyez pas que nous serons tous des riches. Katikati yetu parmi nous. Kuko pale Mungu unanyanyua. Il y a ceux-là que Dieu élève. Ils deviennent riches. Les autres sont abaissés. Mais maintenant, faites que toi qu'on a élevé, il ne faut pas. Leo tuko mu esprit ya exode. Il faut pas déménager. Batu banapenda bia kwa mama. Les gens aiment beaucoup déménager. Yeko mukambo banapenda amia kandi kulumbashi kulikasi. Ile akambo vi déménager. Na yeko sud. Ile alumbashi celui de lumbashi veut aussi aller. Wakusud ko Europe. Celui qui est en Afrique du Sud veut aller en Europe. Ou Amérique. Celui qui est en Europe veut aller en Amérique. Amen. Amina. Kama Mungu anakubariki, dès que Dieu te bénit, muko pari abada baya bariki wapa. Il y a la part de ceux qui ne sont pas encore bénis ici. Ça, c'est la parole de Dieu. Musaidie bantu bote surtout le frère en Christ. Aidez tout le monde, mais surtout banduku katika Kristo. Mais toi, tu commences à te moquer d'eux. Surtout du côté des sœurs, si Dieu ne l'a pas encore aidé. Elle a mis au monde à la maternité. Les jours de sortie de la maternité. Les soeurs qui n'ont pas de moyens sont venus pour l'accompagner à sortir de la maternité. Lorsqu'il a de l'orgueil, vous l'entendrez partout. Sylvie. Maintenant il dit Sylvie. On y bébé valise en huile. Prenez-moi ma valise là. Je vais voir un peu qu'est-ce que je peux porter. Badata, mon les sœurs sont là avec des soucis. Sylvie s'amène avec sa valise. Il ouvre grandement la valise. Ceci. Je n'aime pas. Pourquoi tu l'as acheté? Orgueil. L'orgueil. Et ça aussi n'est pas ça uniforme. C'est devenu comme de l'uniforme. Qu'est-ce que ça fera? Et ça aussi c'est ça les nouveaux modèles. Angaria. Regarde. Chikia. Écoute. Ou les dades ouachini. Cette sœur là dépasse. Si tu en as beaucoup, il faut lui donner aussi. Donne-lui aussi. Ou se mouvoumie. Il ne faut pas te vanter devant elle. Léoué mon message, mon ligné esprit, frère. Aujourd'hui, dans le message, il n'y a pas de fulan, il n'y a pas de. J'étais dans une ville quelconque là où je suis allé prêcher. J'ai entendu la radio. Un serviteur de Dieu donnait des communiqués. Qui oué. Frère fulani wa Mkiwewe. Tel frère de Kiwewe. Il a perdu un enfant. Quel frère de ce quartier-là a été visité il est croisé. Donc pourquoi pas frère Mkiwewe? Maintenant il y a eu des frères de Kiwewe et des frères de Makomeno. De centre urbain. Dieu esprit ça couille hapo. C'est l'esprit qui existe. Frère Makomeno na frère wa Makomeno. Les frères du centre urbain. Wa Kiwewe na wa Kimwewe. Les frères de Kiwewe. Ni pagano. Ça c'est être païen. Ni bupagano. C'est vraiment être païen. Tu seras surpris. De basse classe sera enlevé, mais toi tu vas rester, tu seras surpris. Un chrétien. C'est quelqu'un qui compatit avec tout le monde. Maintenant les chrétiens ne veillent plus au deuil des autres. C'est parce qu'il n'a pas de moyens. Il va y aller seulement pour les consoler, il regarde sur la montre. Je suis venu seulement vous consoler, là il part. On n'a pas crié ainsi. Amen. Amen. Ok. Toi, on est les frères. Évoluons. Est-ce que c'est pas moi? Sommes-nous ensemble? Il y a encore du temps. Moupage dit. Kartas Yakumi. C'est pourquoi mana, il n'y a aucune raison de laisser monter en nous quoi que ce soit. Hakuna sababu hata moyo ya kuacha kitu fulani kipande ndani yetu. Est-ce que vous n'avez qui puisse susciter envie et jalousie. Qui les kinawes kula musha, buivu na tama. Comme on a tama ina zungula muka. Shiombe Mungu. Si tu vois que la buivu vuna kubaba. Shiombe Mungu. La jalousie se lève en toi. Prie. Que ça soit dans les domaines terrestres ou spirituels. Cela ne fait aucune différence. Car l'ennemi s'évertue à occasionner toutes sortes de malheurs. Ennemi qu'on a fait s'évertue et qu'on a fait en goût, bien qu'on a lité. Il fait un effort pour. Il fait tout son effort pour tourmenter les gens. Les talents particuliers ne sont-ils pas dans ce monde admirés et appréciés? La voix des chanteurs et chanteuses. Les talents des sportifs, des artistes et autres sont tous admirés. Pourquoi donc parmi les croyants les talents sont-ils voués au diable? Mazawadi, wanaipelekea tu shetani. Baneto kwa shetani. On les a voués à Satan. À cet égard, Waimambo, frère Branham en fait une comparaison frappante Branham anafanya kulinganisha kwa nguvu avec les jeux de foot. Na michezo ya kupika mpira. En disant, na kusema, lorsqu'un équipier possède le ballon, wakati mpika kabumbu wako tous ses coéquipiers bote ba timu yake, doivent-ils ne doivent-ils pas les protéger? Eti, abataweze kumulinda, kumukinga? Non, pas pour chercher à lui prendre les ballons. Aina juba munyanganyo mpira. Amen. Apana. Kama frère ou sœur, bien frère ou une sœur, Mungu anamusaidia. Dieu l'a béni. Kazi yetu ni kumusutenir kumaombi. Notre travail c'est notre frère, c'est notre sœur. Mungu yetu ni dada yetu. Et mwaminifu wa vya kweli. Anombeaka ba frère na ba sœur baki. Il prie pour ses frères. Siku yote Mungu aliumba. Chaque jour Dieu fait tout qu'on est soutenu. C'est de cette façon là que nous sommes. Puisque nous sommes moya. Que nous sommes un seul corps. Kama anateso ile mateso ni tukashibote. Dès qu'il souffrait, sa souffrance va nous... Dès qu'il est béni, nous tous, nous allons bénéficier de sa bénédiction. Amen. Amen. Pour tous les croyants... Pardon. Tous les croyants sont sérieusement exhortés à résister à l'ennemi. Hein? Et aux puissances de ruse et de méchanceté qui apporte le malheur et la destruction. Amen. Amina. Nous sommes là pour soutenir ce qui est déjà construit. Par notre vie. Je l'ai toujours dit. Même un certain de Dieu ne peut pas détruire ce qu'on a déjà construit. Il cherche à diviser l'église. Qu'il est aussi ses membres. Frère, Ndoukou. Vous évitez ma esprit à division. Évitez les esprits de division. Tous ceux-là qui vont participer à la, qui vont aller à la division ne seront pas enlevés. Amen. Amen. Mungu imbariki sana. Que Dieu vous bénisse. Niko nasoma page 12. Je vais lire sur la page 12. Niko nasoma page 12 de Joniach. Pour m'arrêter. Par rapport au proche retour de Jésus-Christ, la question est plus que justifiée. Quand donc tous les croyants appartenant à l'Église épouse se soumettront-ils à Dieu et à sa parole afin de se mettre au service du Seigneur et de contribuer au bien-être na kubizuri, et à l'édification de l'ensemble de l'Église. Na kujengwa kwa kanisa yote. Nous croyons que kwa l'Église épouse kanisa bibi arusi doit être à la fin comme elle était au commencement. Kuwa, uku kumuisho, sawa vile et c'est ce qu'elle sera finalement. C'est-à-dire un seul cœur moyo moya, et une seule âme. Na nafsi moya. Alors, basi, nous expérimenterons ensemble les grandes œuvre de Dieu. Vale njo tutaonja pamoja matendo makubwa ya Mungu. Cependant auparavant, ile kumwanjo, un profond repentir doit réellement avoir lieu. Kutubu kwa upana kunapashi kufanike. Une repentance du cœur. Kutubu kwa moyo. Que le Seigneur accordera par son esprit et qui viendra sur chacun. Non, un repenti exigé par l'un et l'autre. Mais bien une condition, une contribution opérée par l'Esprit Saint à chacun personnellement. Chacun de nous doit s'examiner et regarder dans son cœur. Quelle est la souillure qui l'empêche de manquer d'expérimenter à la Pentecôte? Marc 7, tu l'as somme. Marc 7, nous avons dit. C'est le miroir devant toi. Finamiche Oustou. Inclinons nos têtes. Conducteur de chant. Vous dites comme une méditation. Qu'il a moment de toi chikili. Que chacun de nous puisse méditer. Ninini na mutiafusha. Qu'est-ce qui les suit? Ninini na kukosesha. Qu'est-ce qui t'empêche? Expérimenter Pentecôte. Expérimenter la Pentecôte. Et ni mawazo mubaya. Et sont de mauvaises pensées. Et ni busharati. Et c'est l'adultère. Ni uzinifu. Et c'est l'impudicité. Ni bwizi. Et c'est le vol. Ni buwaji. Et c'est le meurtre. Ni kuibia. Et c'est le vol. Ni tamaa ya fedha. Et c'est la cupidité. Ni chuki. Et c'est. Bile byote bana detaillé. Tous c'est un miroir devant toi. Thank you. simama. Nous allons nous tenir. Voilà tout en magoti. Soit s'agenouiller. Kila muntu ajua kama Mungu anamsumbulishisha. Je chacun de nous découvre que Dieu lui a parlé. Mungu anayua mioyo yetu. Dieu connaît nos cœurs. Sauti ya Mungu inasema. La parole de Dieu dit. Si votre cœur vous condamne. Kama moyo wako inakuhukumu. Dieu il est plus grand que votre cœur. Mungu ni mkubwa kushindia moyo. Angalia ni watu ushakuchafuka. Regarde là où tu t'es souillé. Ungari tungari wakati ya neema. Nous sommes encore au temps. Mwambie Mwenyezi Mungu. Dit à Dieu. Ya kama baba biako ni misha kuchafuka pa mambo fulani. Devra Seigneur je ne suis à tel point. Fatana mwimbe tunaimba. Selon le cantique. Damu ya Yesu Kristo ingariki mubichi. Le sang de Jésus. Itakutakasa. Tombe Mungu shibote. Prions tous ensemble. Mungu baba wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu.